والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخذنا الأسبوع الماضي الحديث 24 ولما نكمل شرحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفج قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. La semaine dernière, on avait commencé le hadith numéro 23, hadith Abu Dhar. Hadith numéro 24, pardon. Hadith Abu Dhar, donc il y a un hadith divin, hadith Al-Qudsi. Donc on avait commencé l'explication de ce hadith, mais on ne l'avait pas fini. Donc je recommence la lecture de ce hadith. Abu Dhar al-Ghifari, radiallahu an, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte directement d'Allah. Ô mes serviteurs, je me suis à moi-même interdit l'injustice, de même je l'interdis entre vous, aussi ne vous livrez pas à l'injustice les uns envers les autres. Ô mes serviteurs égarés, vous l'êtes tous, excepté celui que je guide, demandez-moi donc que de vous guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs affamés, vous l'êtes tous, excepté celui que je nourris, sollicitez donc de moi votre nourriture, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs nus, vous l'êtes tous, excepté celui que j'ai vêtu, demandez-moi donc de vous vêtir, je vous habillerai. Ô mes serviteurs, vous péchez la nuit et le jour, et c'est moi qui pardonne tous les péchés, implorez donc mon pardon, je vous pardonnerai. « Ô mes serviteurs, vous ne sauriez me nuire et vous ne sauriez m'être utile en cherchant mon profit. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre vous, si du premier au dernier d'entre les hommes et les djinns, tous se trouvaient avoir un cœur aussi pieux que le cœur le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre les hommes et les djinns, vous tous se trouvaient assemblés en un seul endroit et m'implorer, j'accorderai à chacun sa demande et cela ne diminuerait en rien ce que je possède. Telle l'aiguille plongée dans la mer ne diminue rien de celle-ci quand on la retire. Ô mes serviteurs, ce sont vos actes dont je tiens compte et c'est selon eux que je vous rétribuerai. Aussi, celui qui en récoltera du bien, qu'il loue Allah. Quant à celui qui recueillera autre chose que cela, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Le hadith est rapporté par Muslim. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وذكرنا أن الله عز وجل غني عن العالمين. إن الله تعالى غني عن العالمين. فإن طاعة العباد لا تنفع الله عز وجل شيئا وكذلك معاصيهم لا تضر الله شيئا ولهذا في نهاية الحديث يقول من وجد خيرا يعني يوم القيامة من وجد في ميزانه حسنات فليحمد الله لأنه هو الذي وفقه لهذه الأعمال ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولهذا يقول موسى لبني إسرائيل وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد لو كان الناس كلهم كفارا ما ضر الله ذلك شيئا وكذلك لو كان الناس كلهم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا وقال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن ويتألم من مسارعة الناس للكفر وكان يريد منهم أن يؤمنوا الله عز وجل قال أن ذلك لا يضر الله عز وجل شيئا Donc on était arrivé à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit « Ô mes serviteurs, vous ne sauriez me nuire et vous ne sauriez m'être utile en cherchant mon profit. » Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'homme, quoi qu'il fasse dans ce bas monde, il n'est pas utile à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si nous prions toute la journée, nous jeûnions tous les jours, nous donnions tout notre argent en sadaqa, que nous faisons le pèlerinage tous les ans, cela n'est pas utile à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est utile à nous-mêmes. Et à l'opposé, les gens qui commettent tous les péchés du monde, il faut savoir que cela ne nuit aucunement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, que tous les gens soient pieux ou que tous les gens soient pervers, cela revient seulement aux serviteurs. C'est-à-dire que, comme Allah le dit à la fin de ce hadith, « Ô mes serviteurs, ce sont vos actes dont je tiens compte, et c'est selon eux que je vous rétribuerai. Aussi, celui qui en récolte du bien, qu'il loue Allah. Quant à celui qui récolte autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. » Et cela est cité dans le Coran également. Moussa, alayhi salam, Allah lui a ordonné, Moussa, alayhi salam, a dit à son peuple, Ben Israël, قل إن تكفروا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد موسى il a dit à son peuple si vous cessez de croire vous et tous les habitants de la terre sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est riche et digne de louange c'est-à-dire qu'il se passe de toutes ces choses-là vos adorations Allah subhanahu wa ta'ala s'en passe et cela n'augmente rien et ne lui est aucunement utile Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attristé par la mécréance des gens. Donc il voulait que les gens soient guidés vers le droit chemin. Ça c'est le but et la préoccupation des prophètes. Ils veulent que les gens soient guidés. Donc ils sont tristes lorsqu'ils ne sont pas guidés. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala dans de nombreux versets, il dit à son prophète de ne pas être triste. ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ne sois pas attristé par ces gens-là car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut c'est Allah qui guide qui il veut ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر il ne faut pas que tu sois attristé par les gens donc qui courent vers la mécréance فإن ذلك ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا car ils ne peuvent aucunement nuire à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. هذا تفسير لما سبق. هذا تفسير لما سبق. Donc ça c'est une explication de la phrase que nous venons de citer. Allah nous dit « Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, d'entre les hommes et les démons, donc les djinns, tous se trouvaient avoir un cœur aussi pieux que le cœur du plus pieux d'entre vous, sachez que cela n'ajoutera rien au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une explication de ce que nous venons de dire, que l'adoration des gens, leur obéissance ne revient qu'à eux, et cela ne fait pas augmenter quelque chose dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي المقابل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. Et à l'opposé, si du premier au dernier d'entre les hommes et les démons, tous se trouvaient à avoir un cœur plus pervers, aussi pervers que l'homme le plus pervers d'entre vous, sachez que cela ne diminuerait rien dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فصفات الله سبحانه وتعالى كلها كاملة لا تنقص لا تنقص. ملك الله سبحانه وتعالى لا ينقص. علم الله سبحانه وتعالى لا ينقص. قدرة الله، قوة الله، عزة الله، هذه الأمور كلها كاملة لله سبحانه وتعالى. فلا ينقص علم الله سبحانه وتعالى. فلا ينقص معاصي الناس وفجورهم لا ينقص من ملك الله شيئا. ثم سيذكر الله سبحانه وتعالى أن مع عطائه الجزيل والمستمر الدائم فإن ذلك لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. فقال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في أرض واحدة اجتمع الناس كلهم من الإنس والجن فسألوني دعوا الله سبحانه وتعالى رفعوا أكفهم لله سبحانه وتعالى فكل أحد طلب ما شاء من الله سبحانه وتعالى. ثم قال فأعطيت كل واحد مسألة كل أحد من هؤلاء الله عز وجل يعطيهم ما سأل فإن ذلك لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. طيب المخيط هو الإبرة، إذا أدخلت إبرة في البحر ثم أخرجت هل ينقص يعني شيئا من البحر؟ لا ينقص، فإن البحر يعني يمده يعني جميع المياه من الدنيا من الأنهار ومن المطر، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى حتى يعني يتصور يعني القارئ لهذا الحديث عظمة ملك الله سبحانه وتعالى، فإن ملك الله عظيم لا ينقص وهو كامل. وهذا المثال الذي ضربه الله سبحانه وتعالى فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، بمعنى لا ينقص شيئا. هذا المثال ضرب الخضر مثلا يعني قريبا منه. الخضر هو النبي المعروف الذي قص الله سبحانه وتعالى قصته في سورة الكهف لما يعني صاحبه موسى عليه السلام. تجدون هذه القصة في صحيح الإمام البخاري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قص هذه القصة أن موسى قام خطيبا في قومه فسأله رجل فقال من أعلم الناس؟ فقال موسى أنا. فقال موسى أنا ولم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لم يرد العلم إلى الله. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بالخضر فقال إن هناك يعني عند مجمع البحرين يعني رجل هو أعلم منك اذهب إليه، فإذا يعني فقدت الحوت فهو ثم مكانه. على كل حال لما ركب السفينة مع الخضر جاء عصفور فوقف عند يعني حافة السفينة ثم نقر في البحر نقرة بمنقاره في البحر بمنقاره فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي في علم الله إلا كما أن ينقص من البحر هذه النقرة من هذا العصفور فعلم موسى الذي هو من أولي العزم من الرسل وعلم الخضر الذي هو نبي من الأنبياء إذا جمعنا علم موسى وعلم الخضر يعني في في في مقابل علم الله سبحانه وتعالى هو كمثل ذلك كنقرة هذا العصفور في البحر بمنقاره فهذا ماشي لا يساوي شيئا. إذن يقول ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله سبحانه وتعالى عطاؤه جزيل ومستمر في هذه الحياة الدنيا وكذلك عطاؤه في الآخرة في الجنة صلى الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. بالنسبة للجنة يعني يقول الله سبحانه وتعالى وفواكه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة يعني لا تنقطع فكلما طلبته في الجنة يكون يعني متوفرا لديكم بإذن الله تبارك وتعالى. قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق في سورة النحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ لا تغيصها نفقة سحاء الليل والنهار أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا يغيض ما في يمينه. فإن الله سبحانه وتعالى أن يعطي بالليل والنهار يعطي أن الحيوانات ويعطي الأرض ويعطي الإنس ويعطي الجن. إن الله سبحانه وتعالى يعني سحاء الليل والنهار فعطاؤه لا ينقطع في هذه الحياة الدنيا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم أعطيني إن شئت. من الناس من يفعله ولا لا من يدعو ثم يقول إن شاء الله لا يتقبل إن شاء الله وهذا خطأ. مثلا تريد أن تدعو لشخص بالقبول تقول تقبل الله لا تقول إن شاء الله. لماذا تقول إن شاء الله؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وليقول وليعزم المسألة فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيئا. والحديث في الصحيحين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite pour nous montrer donc la grandeur de son royaume, il nous dit ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre les hommes et les djinns tous se trouvaient assemblés en un seul et même endroit et m'imploraient, donc chacun donc du premier au dernier des hommes et des djinns, c'est-à-dire de Nuh alayhi salam jusqu'au dernier homme et avec les djinns en plus, se trouvaient tous assemblés au même moment et au même endroit et implorer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il donnait à chacun d'entre eux ce qu'il a demandé, cela ne diminuerait du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala que comme lorsque l'aiguille est plongée dans la mer et en est ressortie, c'est-à-dire qu'elle ne diminue rien du tout. Donc une aiguille, si on la plonge dans la mer et qu'on la ressort, est-ce qu'on a diminué de la mer? On n'a rien diminué. La mer, elle est ravitaillée de toutes les eaux du monde, de la pluie, de la neige qui fond, de la glace, également les fleuves, toutes ces choses-là, ça se plonge dans la mer. Donc c'est pour nous montrer que ça ne diminue rien du tout, car Allah subhanahu wa ta'ala donc possède l'asma al-husna, les noms les plus beaux, au sifat al-ula, c'est-à-dire les attributs les plus parfaits. Donc toutes les choses chez Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaites. Son royaume est parfait, sa grandeur, sa force, sa science, toutes ces choses-là sont parfaites. Al-Khadir, donc le prophète qui s'appelle Al-Khadir, qui est cité dans Surat Al-Kahf. Donc il n'est pas cité par son nom dans Surat Al-Kahf, mais donc il s'appelle Al-Khadir. Donc celui que Moussa va accompagner pendant plusieurs aventures, il s'appelle Al-Khadir. Donc cette histoire est citée dans Surat Al-Kahf et elle est également citée dans Sahih Al-Bukhari. Moussa alayhi salam un jour donc a tenu un discours au milieu donc des enfants de Israël. Et un homme a dit à Moussa: qui est le plus savant? Moussa a dit: moi, je suis le plus savant. Et il n'a pas donc ramené la science à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a éprouvé Moussa par Al-Khadir. Il lui a dit donc: tu vas aller à tel endroit, un endroit donc la réunition donc un endroit où se trouve donc un endroit de rencontre des deux mers, Majma' al-Bahrayn, et tu auras avec toi un poisson, et lorsque donc le poisson partira, c'est cet endroit-là donc où tu rencontreras Al-Khadir. Et donc il a accompagné le Khadir pendant plusieurs aventures, et lorsqu'ils sont montés sur un bateau, donc le bateau que Al-Khadir va faire couler, il y a un oiseau qui est venu se poser sur le bord du bateau et qui a plongé son bec dans l'eau donc pour y boire, et l'a ressorti. Al-Khadir a dit à Moussa: est-ce que tu vois donc ce que vient de faire cet oiseau? Il lui a dit: ma science plus ta science en comparaison à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comparable à ce que vient de prendre cet oiseau. Ça dit rien du tout. Donc la science des prophètes, de deux prophètes, de Moussa qui fait partie donc des plus grands prophètes, de Ulul Azm, donc les prophètes doués donc d'endurance, et Al-Khadir alayhi salam, leur science donc accumulée ne représente rien par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très grands. Donc il peut donner à qui il veut et en un seul et même moment, en un seul et même endroit et en un seul et même moment, et cela ne diminue rien de son royaume. Allah dit dans le Coran: ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ce que vous possédez vous disparaît, contrairement à ce que possède Allah subhanahu wa ta'ala, cela restera. Et également dans l'au-delà, les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala sont encore plus grands, du fait que donc les fruits et les fruits du paradis donc n'ont pas donc ne finissent jamais. Allah dit dans le Coran: wa fakihatun kathira la maqtu'atin wa la mamnu'a, c'est-à-dire donc de nombreux fruits qui donc ne s'arrêtent jamais et qui ne sont et rien n'est interdit. كذلك في سوره الكسوف في صلاه الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الكسوف تقدم وتاخر ولما تقدم كانه يتناول شيئا كأنه يتناول شيئا فالصحابة رضي الله عنهم لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته للكسوف سألوا: رأيناك يعني تقدمت وتناولت شيئا ثم تقاطعت يعني رجعت إلى الخلف، فقال: إني أريت الجنة فرأيت من ثمارها وفواكهها فأردت أن نتناول عنقودا من العنب، ثم تراجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ هذا العنقود، يقول: لو أخذتها لأكلتم ما بقيت الدنيا، لأكلتم يعني منها ما بقيت الدنيا، انظروا هنا يعني عنقود من عناقيد الجنة مفهوم؟ لو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به إلى هذه الحياة الدنيا لأكل منها الناس ما بقيت الدنيا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أري النار فيعني رجع إلى الخلف رأى من لهب النار ومن يعني سمومها فرجع إلى الخلف ورأى أكثر أهلها النساء عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم donc le prophète également donc pendant la prière de l'éclipse, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année 10 il a fait la prière de l'éclipse lorsque son fils Ibrahim est décédé. Et pendant sa prière donc de l'éclipse, il s'est avancé et les compagnons donc l'ont vu s'avancer et avec sa main comme s'il voulait attraper quelque chose. Puis il est revenu en arrière. Les compagnons à la fin de la prière donc lui ont demandé: pourquoi t'es-tu avancé? Pourquoi on t'a vu comme si tu voulais attraper quelque chose et ensuite donc tu es revenu en arrière? Il a dit donc j'ai vu le paradis. Pendant la prière, le prophète sallam a vu le paradis et il a vu donc les fruits du paradis et ses délices et il a voulu prendre une grappe de raisin parmi les grappes de raisin du paradis. Et ensuite donc le prophète sallam s'est dit que de ne pas la prendre. Et il a dit, si je l'avais prise et vous l'avez emmenée, vous auriez mangé de cette grappe de raisin jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, tous les gens auraient pu manger de cette grappe de raisin jusqu'à la fin des temps. Et donc pourquoi il est revenu en arrière? Car également il a vu l'enfer, donc il est revenu en arrière pour ne pas être atteint par la chaleur de l'enfer. ثم يقول الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول إنما هي أعمالكم, هذه الأعمال التي تقدمونها هي أعمالكم في هذه الحياة الدنيا وثوابكم وعقابكم في الآخرة. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فإن الله عز وجل يعني يحصي للعباد أعمالهم ويجدون ذلك يوم القيامة. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكذلك يقول في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كذلك يقول في سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوا. يعني بعض الأعمال الناس نسوها فالله عز وجل لم ينسى وما كان ربك نسيا. ثم أوفيكم إياها. قيل أن الكافر يوفى يعني حسناته في هذه الحياة الدنيا حتى لا تبقى له حسنة واحدة في الآخرة. ولهذا يقول كثير من العلماء أن الكافر لا حسنة له. أما المؤمن فإنه يوفى سيئاته في هذه الحياة الدنيا. إن الله عز وجل يبتليه وهذه الابتلاءات تكون كفارة لسيئاته. قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه المؤمن يجزى بسوءه في هذه الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب العبد المؤمن من هم ولا من وصب ولا نصب ولا هم ولا سقم حتى الشوك يشاكها إلا كانت كفارة له يعني من الذنوب كفارة له. كل ذلك كفارة للمؤمن، الهم، الغم، الجوع، الأمراض، حتى يعني الشوكة يشاكها يعني تدخل في أرجله، فإن ذلك يكون كفارة له في هذه الحياة الدنيا حتى يعني يخرج من هذه الحياة الدنيا ليس له سيئات. Donc, Allah nous dit ensuite « Ô mes serviteurs, ce sont vos œuvres, ce sont vos actes dont je tiens compte et c'est selon eux que je vous rétribuerai. » Donc celui qui en récolte du bien, qui louange Allah, quant à celui qui recueillera autre chose que cela, qu'il s'en prenne à lui-même. Donc Allah nous rappelle que donc, toutes ces œuvres que nous accomplissons, les bonnes comme les mauvaises, ce sont nos actes et que nous serons récompensés ou bien punis en fonction de ces actes. Allah dit dans surat Al-Zalzala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Celui qui fait le bien, ne serait-ce du poids d'un atome, il le verra, et celui qui fait le mal, ne serait-ce le poids d'un atome, il le verra. Et donc les gens, et au Al-Qiyama, verront leurs œuvres devant eux, et ils ne pourront donc contester le jugement d'Allah, car il ne fait que juger les gens et les rétribuer en fonction de leurs œuvres. Allah nous dit يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوا. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera tous les gens, il les informera de ce qu'ils ont fait. Allah a dénombré tout cela alors que les gens ont oublié. Donc Allah n'oublie pas et rappellera aux gens donc ce qu'ils ont fait dans ce bas monde. Les grandes bonnes œuvres comme les petites, et également les grands péchés comme les petits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala rappellera aux gens toutes les choses qu'ils ont fait. Il nous dit et je vous rétribuerai donc en fonction de cela. Certains savants disent que donc la rétribution il y a de la rétribution dans ce bas monde, que le croyant il est rétribué pour ses mauvais actes dans ce bas monde. Allah, lorsqu'il éprouve donc les serviteurs par la faim, par la fatigue, par une maladie, par également l'angoisse et les soucis, même une épine qui rentre dans nos pieds, bref, toute douleur, tout mal, cela est une expiation de nos péchés. Cela est une expiation des péchés. Lorsque l'homme tombe malade, lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il a faim, lorsqu'il est angoissé, toutes ces choses-là, donc c'est des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont des expiations pour nos péchés. Chaque personne qui est tellement éprouvée sort de la vie d'ici-bas, donc sans péché. C'est pour ça que les gens qui sont les plus éprouvés sont Ashad al-Nas ibala'an al-Anbiya. Les gens qui sont les plus éprouvés, c'est les prophètes. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc veut les purifier et leur pardonner toute chose. En ce qui concerne donc le fait que les épreuves sont des expiations, c'est un hadith. Le prophète sallam dit ma asaba ibn adam min ma asabaka min wasabin wala nasabin wala hammin wala saqmin illa kana dhalika kaffaratan. Donc il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu es atteint donc par la fatigue, ou bien par la faim, ou bien par les maladies, ou bien par des soucis, donc cela est une expiation. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. فمن وجد خيرا في الآخرة فليحمد الله. هذا موجود في الآيات كثيرة من القرآن أن الله عز وجل يذكر أن أهل الجنة يحمدون الله عز وجل على ما أوتوا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم والحقد نعم الحقد بين العباد. الله عز وجل يعني يطهر الناس قبل دخولهم من الجنة من الغل والحقد. نعم الحسد الحسد الحقد يعني ما يكون بين الناس في قلوبهم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. وفي سورة الزمر الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ومن الشاهد أن أهل الجنة يحمدون الله عز وجل، أما أهل النار فإنهم يلومون أنفسهم حتى يقول لهم الشيطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فهم يلومون أنفسهم على ما وجدوا في الآخرة. وقال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، هم يمقتون أعمالهم التي عملوها في هذه الحياة الدنيا، ولكن الله عز وجل أن يمقتهم ويلومهم أكثر مما يلومون أنفسهم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah nous dit ensuite, quant à donc celui qui récoltera du bien, donc dans l'au-delà, qu'il loue Allah. Donc ils disent Alhamdulillah. Quant à celui qui récoltera autre chose que cela, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Donc dans de nombreux versets du Coran, vous trouverez que donc les gens du paradis loueront Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils diront Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Donc les gens, après être rentrés au paradis, ils diront louange à Allah qui nous a guidés vers cela. Donc c'est Allah qui nous guide vers cela. Et si Allah ne nous avait pas guidés, nous n'aurions pas donc pu entrer au paradis. Et ils diront également Alhamdulillah, il a dit sadaqana wa'adahu. Louange à Allah qui a tenu sa promesse. Donc il avait promis donc aux gens bien le paradis et il a tenu sa promesse. Promesse. Alhamdulillah, alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Louange à Allah qui a fait donc disparaître et éloigné, qui a éloigné de nous donc al-hazan, donc la tristesse et la peine. Donc les gens du paradis, ils loueront et glorifieront Allah subhanahu wa ta'ala car il les a fait entrer au paradis. Car en fait, pourquoi on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que c'est lui donc qui décide. Allah fait rentrer qui il veut donc dans sa miséricorde. Donc le fait de pouvoir entrer au paradis, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala et un don et un bienfait. Donc c'est pour ça que l'on remercie Allah et qu'on le loue. Et les gens de l'enfer donc blâmeront leur âme. Donc ils blâmeront leur âme et s'en prendront à eux-mêmes. Lorsque même ils voudront blâmer le diable en lui disant c'est toi qui nous as égarés, il leur dira Fala talumuni walumu anfusakum. Fala talumuni walumu anfusakum. Qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Shaytan dira qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous avez promis une véritable promesse alors que moi je vous avais promis et je ne vous ai rien donné. Donc Allah, le diable, il tente les gens en leur faisant croire qu'en faisant tel ou tel péché, ils mériteront telle ou telle chose, alors que la fin de tout homme, donc, c'est la disparition. Le shaitan, il ne peut pas tenir sa promesse. Même s'il te dit que accumule l'argent, tu seras le plus puissant, à la fin, il n'y aura plus rien. Donc autant suivre la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaitan donc dira Fala talumuni walumu anfusakum. Nantaqil ila al hadith alladhi yali al hadith al khamis wal ishrun an Abi Dharr radiyallahu anhu aydan أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أو أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Donc le hadith qui suit, hadith numéro 25, selon Abu Dharr, radiallahu an, certains compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui demandèrent et lui dirent, ô envoyé d'Allah, les gens fortunés l'emportent dans les récompenses. Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, et pratiquent l'aumône avec le surplus de leur richesse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur répondit, Allah ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône? Chaque tasbiha, le fait de dire subhanallah, est en effet une aumône. Chaque takbira, le fait de dire Allahu Akbar, est une aumône. Chaque tahmida, le fait de dire Alhamdulillah, est une aumône. Et chaque tahlila, le fait de dire La ilaha illallah, est également une aumône. Recommander le bien est une aumône, interdire le mal est une aumône, et accomplir l'acte sexuel est encore une aumône. Les compagnons radiallahu anhum lui dirent, ô envoyé d'Allah, est-ce que assouvir son désir sexuel est sujet à rétribution? Le prophète leur répondit, que pensez-vous s'il l'accomplissait de façon illicite, c'est-à-dire donc la fornication, ne commettrait-on pas un péché? C'est ainsi, lorsqu'on le fait de façon licite, on mérite une récompense. Le hadith est rapporté par Muslim. راوي هذا الحديث هو راوي الحديث السابق هو أبو ذر الغفاري اسمه جندب ابن جنادة جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال بالأجور لماذا؟ يعني هم أكثر حسنات منا لماذا؟ لأنهم يصلون كما نصلي فالصلاة لا تحتاج إلى مال يصلي الغني كما يصلي الفقير ويصومون كما نصوم كذلك الفقير يصوم والغني يصوم ولكن يتصدقون بفضول أموالهم هم يتصدقون ونحن ليس لدينا مال فبالتالي سيذهبون بأجور أكثر من أجورنا وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وهذا من التنافس المحمود هذا من التنافس المحمود أما التنافس في أمور الدنيا فهو تنافس مذموم أما هذا التنافس فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يتنافسون في الخيرات ويتسابقون إليها قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وكذلك يتنافسون في الخير فلا أن يرضون أو يتحزنون على يعني اجتهاد الآخرين فإذا اجتهد أحدهم يريدون أن يلحقوا به يريدون أن يلحقوا به من أمثلة ذلك وكذلك يعني يتأسفون ويندمون على ما فاتهم من الخير لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه وحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه فضل اتباع الجنائز يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يعرف هذا الحديث ماذا قال؟ قد فرطنا في قرارات كثيرة. ندم رضي الله عنه. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لأن من المذموم الشخص أن يحب الإمارة ويحب الرئاسة، ولكن يقول عمر لثناء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن الله عز وجل سيفتح على يديه وأن الله عز وجل يحبه ورسوله كذلك، يقول ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وهذا الحديث رواه البخاري، والحديث السابق حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. فالإسلام يحث ويشجع ويدعو إلى المعالي. دائما الإنسان عليه أن يستهدف أعلى الأمور. مع الأسف من الناس من يكتفي بالقليل، من يكتفي بالقليل، أن يرى إخوانه مثلا يكثرون من النوافل فهو يكتفي بما يصلي. لا، لماذا لا تجتهد مثل إخوانك؟ ترى إخوانك يصومون الاثنين والخميس، لماذا لا تصوم؟ ترى إخوانك يتصدقون، لماذا لا تتصدق مثلهم؟ وهكذا. رأيت إخوانك حجوا هذه السنة، لماذا ما حججت؟ فدائما الإنسان عليه أن يستهدف ويرغب في معالي الأمور، وهذا الإسلام يحث على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لماذا تصلي في الصف الثاني؟ لا، صلي في الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لعملوا القرعة حتى يعرفوا من سيصلي في الصف الأول. وكذلك ما يدلنا على طلب المسلم المعالي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس. لماذا تقول اللهم ادخلني الجنة؟ لا، استهدف أعلى من ذلك، قل اللهم ارزقني الفردوس التي هو أعلى الجنة. فالإسلام دائما يدعو إلى المعالي. وكذلك شاب من شباب الصحابة اسمه ربيعة بن كعب الأسلمي، ربيعة بن كعب الأسلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أني مكافأة على صنيعه أنه أتاه بوضوئه، قال اسأل، سألني ما تريد، سألني ما تريد. طيب ماذا سأله؟ نعم، قال أسألك مرافقتك في الجنة. هذا هو همة الصحابة عالية جدا، ما يريد من هذه الأمور أمور الدنيا، لا، يقول إني أسألك مرافقتك في الجنة. فقال أو غير ذلك وجبتي شي حاجة أخرى؟ قال هو ذاك شي اللي بغيت أنا. فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، إن كنت تريد مرافقتي في الجنة فأكثر من السجود، من النوافل، من الصلوات. فدائما كما قلنا الإنسان عليه أن يرغب المعالي. Donc le compagnon qui rapporte ce hadith c'est Abu Dharr, donc Jundub ibn Junada al-Ghifari, le très célèbre compagnon. Donc c'est le troisième hadith que nous voyons de ce compagnon. Il nous dit certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandèrent et lui dirent ô envoyé d'Allah, les gens fortunés l'emportent dans les récompenses. Donc il trouve plus de récompenses que nous. Pourquoi? Donc il prie comme nous prions. Donc la prière, les gens riches et les gens pauvres prient. Ils jeûnent comme nous jeûnons. Donc pareil pour le jeûne. Mais ils donnent donc des sadaqat, des aumônes, alors que nous, nous n'avons pas d'argent, donc nous ne pouvons pas faire comme ces gens-là. Donc ils s'en sortent avec plus de récompenses que nous. Premièrement, cela nous prouve donc l'hirs, donc l'intérêt que portaient donc les compagnons radiallahu anhu, et qu'ils se concurrençaient les uns les autres. et se concurrencer les uns les autres, donc dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est recommandé. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ces gens-là. Allah dit dans le Coran, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِي الْمُتَنَافِسُونَ. Donc pour cela, pour le paradis, il faut donc que les gens se concurrencent les uns les autres. Et il nous dit également, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. C'est-à-dire concourez vers le pardon de votre Seigneur. Donc il faut que les musulmans, ils se concurrencent les uns les autres dans les adorations comme le faisaient les compagnons radiyallahu anhu. Donc il faut essayer donc de faire comme les autres ou mieux, et également regretter lorsque donc on a manqué donc des bonnes actions que nous aurions pu obtenir. En ce qui concerne le fait de regretter, donc Abu Huraira radiyallahu anhu, donc dans le Bukhari et au Muslim, il a donc cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les compagnons. Un hadith qu'ils ne connaissaient pas, ni Aïcha radiallahu anha, ni Abdullah ibn Omar. C'est le hadith qui prouve donc le bienfait et la récompense de celui qui fait la prière sur le janaza. Il a dit donc, celui qui suit la janaza jusqu'à la prière, il aura qirat, donc comme récompense, on va expliquer. Et celui qui suit la janaza jusqu'à l'enterrement, c'est-à-dire qu'il a fait la prière et qu'il a suivi ensuite jusqu'au cimetière, il méritera cette même récompense deux fois, qiratan. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, qui ne connaissait pas ce hadith, il a dit qad farratna fi qararita kathira. Donc nous avons négligé beaucoup de qararit, donc qui est le pluriel de qirat. Donc le prophète sallam, lorsqu'il a expliqué la récompense de qirat, il a dit asgharuhuma mithlu uhud ou mithlu jabalayn al-azimayn. Il a dit la plus petite de ces récompenses, c'est comparable à la montagne de Uhud, donc qui se trouve à Médine. Bref, c'est une grande récompense pour celui qui fait la prière sur le janaza, et il aura le double celui qui suit la janaza jusqu'au cimetière. Abdullah ibn Omar, donc il a dit, nous avons négligé cela, et il a regretté donc le fait qu'il ait laissé passer des janazas sans faire la prière. Également, l'islam appelle toujours donc à viser la plus haute des récompenses. Il faut toujours viser la plus haute des récompenses. Pourquoi se contenter de ce que l'on fait? Il y a des gens qui se contentent de ce qu'ils font et ils n'augmentent rien du tout. Ça fait des années qu'ils font les mêmes adorations, ils font les mêmes prières, ils n'en ajoutent aucune. Non, pourquoi ne pas voir plus haut? Tu sais que telle prière est recommandée, pourquoi ne pas la faire? Il y a certaines prières que tu ne fais pas à la mosquée, pourquoi ne pas toutes les faire à la mosquée? Tu lis par exemple un peu de Coran, pourquoi ne pas lire plus? Tu ne jeûnes que très peu, pourquoi ne pas jeûner plus? Car comme on a dit dans le hadith précédent, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Donc ce sont vos œuvres, donc Allah subhanahu wa ta'ala ce sont vos œuvres, je tiens compte et c'est selon eux que je vous rétribuerai. Donc il faut toujours que le musulman il vise la plus haute des récompenses. Pourquoi prier au second rang lorsqu'on peut prier au premier rang? Pourquoi ne pas donner sadaqat alors qu'on peut en donner? Pourquoi ne pas faire le pèlerinage alors qu'on en a les moyens, etc., etc. Bref, il faut que le musulman il vise donc la plus haute des récompenses et qu'il regrette lorsqu'il ne peut pas le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour à la bataille de Khaybar, a dit la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbu Allah wa rasulu. Demain je vais donner donc le drapeau pour guider l'armée à un homme qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, et Allah et son prophète l'aiment. Yaftahu Allah ala yadi. Allah donc subhanahu wa ta'ala donc amènera la victoire grâce à cet homme. Les compagnons radiyallahu anhu ne savaient pas qui était cet homme. Jusqu'au lendemain, le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné raya liman li Ali radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dit, lorsque j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela, j'ai aimé donc le fait donc d'être le chef. dit, je n'ai jamais aimé donc le fait d'être chef des croyants, sauf ce jour-là, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a donné donc les caractéristiques de cet homme. Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et son prophète. Donc il a aimé cela, et donc c'était un honneur d'avoir le drapeau le jour de Khaybar. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer qu'il faut toujours que le musulman vise la meilleure des récompenses, il nous dit si les gens savaient ce qu'il y a dans le fait de faire le adhan et le premier rang, ils se concurrenceraient les uns les autres jusqu'à qu'on en arriverait à faire quoi? À faire un tirage au sort pour les départager. Les gens, ils seraient tellement attirés par l'adhan et attirés par le premier rang qu'on ne trouverait pour les départager que le fait de faire un tirage au sort. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lorsque vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, demandez-lui le firdaus. Il y a beaucoup de gens qui disent Allahumma atrinil jannah. Non, c'est une très bonne invocation, mais il y a plus haut que cela. Le fait de demander les plus hauts degrés du paradis qui est el firdaus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, idha sa'altumul jannah fas'alu el firdaus, fa innahu a'la al jannah. Donc demandez el firdaus car c'est le plus haut des degrés. Et également un compagnon qui s'appelle Rabi'atu ibn Ka'b al-Aslami, un jeune parmi les jeunes compagnons, un jour il a amené donc ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin et son eau pour faire les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le récompenser, lui a dit elle, c'est-à-dire demande-moi ce que tu veux donc en récompense de ton service. Qu'est-ce qu'il lui a dit ce jeune compagnon? Il lui a pas dit comme beaucoup de jeunes, je veux une voiture, je veux les dernières, le dernier portable, le dernier PC. Non, les jeunes, les compagnons radiallahu anhum, ils voyaient plus loin que tout cela, car ils savaient que tous ces biens de ce bas monde c'est amené à disparaître. Il lui a dit as'aluka murafaqataka fil jannah, je veux être à côté de toi au prophète au paradis. Regardez comment ils pensaient les jeunes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit est-ce que tu veux autre chose avec cela? Il lui a dit ouais, c'est tout ce que je veux, être avec toi au paradis. Il lui a dit fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud, c'est-à-dire aide-toi par beaucoup de prosternation, c'est-à-dire fais beaucoup de prières et tu pourras inshallah être avec moi au paradis. Donc les compagnons radiallahu anhum sont tristes que les gens qui ont des sous puissent donc donner des sadaqat alors qu'eux ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, ils ne les envient pas seulement de leur argent. Non. Ils les envient de ce qu'ils font avec leur argent. Nous en général, on envie les gens pour leur argent, pas pour ce qu'ils font avec. Atteni mal foulan. C'est pas pour faire des sadaqat, c'est pour vivre comme il vit. Alors que les compagnons l'ont dit, Allah, ils ne voulaient pas l'argent pour l'argent. Ils voulaient l'argent pour ce que les gens faisaient avec, c'est-à-dire donc le fait de donner des sadaqat. كذلك الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن أنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد لهؤلاء محملا الجهاد ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Les compagnons, radiallahu anhum, ils venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui n'avaient pas les moyens, pour faire le jihad fi sabilillah. Donc le jihad fi sabilillah, les compagnons qui avaient des montures, ils prenaient leurs montures et ils partaient. Certains n'avaient pas de monture, donc ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il leur trouve une monture pour pouvoir également partir au jihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait, je n'ai rien pour vous pour... Donc pour, je n'ai pas de monture, ni de chameau, ni de cheval pour vous pour partir au jihad. Donc ils se retournaient en pleurant de ne pouvoir avoir les moyens donc de pouvoir participer au jihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, les compagnons ne supportaient pas que certains les devancent dans les bonnes œuvres. Idhan yaqul nabi sallallahu alayhi wa sallam jawaban lahum qad wajada lahum hallan. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون كلمة الصدقة أعم من الإنفاق بالمال إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضيع أحدكم صدقة. إذن الصدقة لها ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول الإنفاق بالمال تسمى صدقة، وكذلك بغير المال من الذكر ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيأتينا يعني في في في في الحديث الذي بعده حتى يعني تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. فالصدقة الإنفاق بالمال، وكذلك هذه الأفعال، وكذلك الخير الذي يوصله الله سبحانه وتعالى إلى العباد يسمى صدقة. إذا تفضل الله سبحانه وتعالى علينا بخير من خير ما، هذا يسمى صدقة. رجل من التابعين اسمه يعلى ابن أمية، يعلى ابن أمية رحمه الله، جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن آية، وهو قول الله سبحانه وتعالى ولا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الله عز وجل يقول في سورة النساء ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، يعني في زمن عمر أمن الناس. وقال الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، أن الله عز وجل يقول أن الشخص يقصر الصلاة في السفر إن كان يخاف فتنة الكفار، وقد أمن الناس في زمان عمر. فقد سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا القصر الصلاة في السفر صدقة من الله سبحانه وتعالى، فعلى المؤمن أن يقبل ذلك. فالخير الواصل إلى المؤمن من الله سبحانه وتعالى كذلك يسمى صدقة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان يوم نومه صدقة عليه من ربه سبحانه وتعالى. هذا كذلك يسمى صدقة، فإن الله عز وجل يثيبه على ما نوى. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم donc a trouvé une solution. Donc Allah et son prophète montre à ces gens que sadaqa, l'aumône, ce n'est pas seulement dans le fait de donner de l'argent. Il leur dit Allah ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône sadaqa? Donc lorsque vous dites subhanallah, vous obtenez comme si vous avez fait une sadaqa. Lorsque vous dites Allahu Akbar, c'est comme si vous aviez fait une sadaqa. Également lorsque vous dites Alhamdulillah ou bien La ilaha illallah, tout cela est considéré comme une sadaqa. Donc le mot sadaqa, c'est plus vaste, plus grand que le seul fait de donner de l'argent. On va également montrer que même que le fait, certaines œuvres, leur récompense est meilleure et plus grande que le fait de donner de l'argent. Donc sadaqa, ça a trois sens. Donc le premier sens, le fait donc de donner fi sabilillah. Le deuxième sens, donc toutes ces œuvres-là. Le fait, donc l'adhkar, qu'on appelle adhkar, le fait de dire subhanallah, ou bien Allahu Akbar, ou bien Alhamdulillah, ou bien La ilaha illallah, également c'est considéré comme sadaqa. Dans le hadith qui suit, également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aider un homme à enfourcher sa monture ou lui hisser ses bagages est une sadaqa. Le fait de dire une bonne parole est une sadaqa, etc. etc. Bref, toutes les bonnes œuvres rentrent dans ce qu'on appelle sadaqa. Et même le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses serviteurs, donc les bienfaits et même toutes les facilités religieuses se sont considérées comme des sadaqas. Allah nous fait donc une sadaqa. Ya'la ibn Umayya, donc un tabi'i, a un jour dit à Omar ibn Khattab radiyallahu an, il l'a questionné au sujet d'un verset, le verset de surat Nisa. Wala junaha alaykum an taqsuru تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. C'est-à-dire, il n'y a aucun mal à raccourcir la prière. Donc, lorsque vous êtes en voyage, à raccourcir la prière si vous avez peur donc que les associateurs ne vous causent du tort, pendant, vous attaquent pendant votre voyage. Donc vous pouvez raccourcir la prière afin de vous concentrer et de vous concentrer sur votre voyage. Cet homme est venu à Omar en lui disant, à l'époque donc où l'on est, donc pendant le khilafa de Omar, les gens vivaient en sécurité. Il n'y avait plus peur des mécréants. Donc est-ce que nous pouvons toujours raccourcir la prière ou pas? Omar lui a dit, la chose qui t'étonne m'a étonné donc avant toi. Et j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a dit que cela est une sadaqa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Acceptez sa sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, lorsque l'un d'entre vous va dormir en ayant l'intention de se lever pendant la nuit pour accomplir la prière nocturne et que le sommeil l'a emporté, il ne s'est pas réveillé jusqu'au matin, il aura la récompense de son intention, car cela, son sommeil donc est une sadaqa d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن كما قلنا الصدقة أنواع. هناك صدقة بغير المال. صدقة بغير المال. فهذه الصدقة التي تكون بغير المال تنقسم إلى قسمين. ما هو ما نفعه قاصر وما نفعه متعدي. شنو معنى هذا الكلام؟ ما نفعه قاصر وما نفعه متعدي. قاصر بمعنى ينفع صاحبه فقط. مثلا إذا صليت هل تنفع أحد غيرك؟ لا، تنفع نفسك. إذا ذهبت إلى المسجد تنفع نفسك. إذا قلت الله أكبر، إذا قلت الحمد لله، إذا قلت لا إله إلا الله، تنفع نفسك. أما النفع المتعدي تنفع نفسك وغيرك، تنفع نفسك وغيرك. مثال ذلك الأمر بالمعروف. مثلا إذا أمرت أحدا بالمعروف نفعت نفسك وغيرك. إذا نهيت أحدا عن المنكر تنفع نفسك وغيرك. تعليم العلم أو تعليم العلم، شخص يتعلم علما يعلمه للناس ينفع نفسه وينفع الناس. شخص يقرأ القرآن، تعلم القرآن وعلمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الأمور تسمى بصدقات، لا مش جارية، قد تكون جارية ولكن نفعها متعدي، نفعها متعدي. كذلك الصدقة بالمال، يعني تنفع الفقير، تنفع نفسك وتنفع كذلك الفقير، والأمثلة على ذلك كثيرة. والفعل المتعدي أفضل من الفعل القاصر. إذا نفعت أحدا نفسك وغيرك فهو أفضل من نفعك نفسك فقط. على الإنسان إذن أن يحرص على هذه الصدقات التي يكون نفعها متعديا. أما غير المتعدي يعني القاصر مثل الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، هذه صدقات نفعها قاصر، يعني يقتصر على قلنا أن الصدقات منها ما نفعها قاصر أو لازم، ومنها ما نفعه متعدي فيتعدى إلى غير صاحبها كالأذكار. إذا قلت الله أكبر ما نفعت أحدا إلا نفسك، ولكن هذه الأذكار مهمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل للصدقة بهذه الأذكار، فقال لكل تسبيحة صدقة، ولكل تكبيرة صدقة، وتحميدة صدقة، وتهليلة صدقة. هذه الأفعال مهمة جدا، وقد تكون قد يكون أجرها أعظم من الإنفاق بالمال. يعني قولك الله أكبر أو لا إله إلا الله أو الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله، أن يخبرنا بما هو أفضل من ذلك، أفضل من الجهاد وأفضل من الإنفاق، من إنفاق الذهب والفضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. فقال: ذكر الله، سألني بذكره لله عز وجل قد يكون أجره أعظم من الإنفاق بالمال. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يومه، في الصحيحين، من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل عشر رقاب، كأنه أعتق عشرة من الرقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكان له حرزا من الشيطان، كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. هذه الأمور كلها لمن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. مئة مرة كأنك اعتقت عشرة رقاب، وتكتب لك مئة حسنة، وتمحى عنك مئة سيئة، ويكون لك حرزا من الشيطان حتى أن يلمس. وكذلك في المساء تعيد هذا الذكر. فذكر الله سبحانه وتعالى مهم جدا. دونك le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a montré que le mot sadaqa c'est plus vaste et plus grand que le seul fait de donner de l'argent. Donc il nous a montré que l'adhkar, donc le fait de dire subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, ou la ilaha illallah, ça rentre dans ce qu'on appelle sadaqa. Également, donc, il y a des œuvres dont le bien est propre à celui qui a accompli cette œuvre. Comme par exemple l'adhkar. Lorsque tu dis Allahu akbar, tu te rends service à toi-même, c'est-à-dire tu auras cette récompense. Et il y a d'autres œuvres qui sont utiles donc à la personne qui l'a accompli et aux autres, comme par exemple le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Donc tu te rends service à toi-même et à celui à qui à la personne que tu as conseillé. Également le fait d'enseigner donc les sciences religieuses, également le fait d'enseigner le Coran, également de donner des sadaqat avec de l'argent, également c'est utile pour toi et pour les autres. Et ces choses-là qui sont utiles à plus d'une personne, leur récompense est plus grande que les choses qui sont seulement utiles à la personne qui les a accomplies, comme l'adhkar. Mais malgré cela, l'adhkar sont très importants. Donc, tout ce qui est adhkar sabah, adhkar masa, après la prière, avant de dormir, avant de manger, on se réveille, il faut que le musulman il s'habitue à cela, qu'il apprenne ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait et qu'il le dise. Pour montrer la valeur de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: voulez-vous que je vous montre donc une œuvre qui est la meilleure de vos œuvres et la plus pure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa azkaakum 'inda malikikum, auprès de votre roi qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et la plus haute en degré, wa arfa'uha fi darajatikum, et mieux pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent, et mieux pour vous que de rencontrer votre ennemi et de vous combattre mutuellement. Les compagnons ont dit: montre-nous quelle est celle-là. Il leur a dit: dhikrullah, donc le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour montrer la récompense de ces choses-là, le prophète il nous dit: celui qui dit Donc pendant la journée, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui dit cela 100 fois, c'est comme s'il avait affranchi 10 esclaves. Et 100 hasana viennent donc s'inscrire pour lui et seront effacés, donc 100 mauvaises actions, et ce sera une protection contre le diable jusqu'au soir. Et le soir, donc, on recommence la même chose et on aura la même récompense. Donc seulement pour dire 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, la personne elle aura cette récompense. Donc il faut que le musulman essaye de dire l'adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, car la récompense est énorme. Sallallahu ta'ala wa fiqhani wa iyakum bima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.